Le conseil de la mer, par Camille Mauclair. Elle était venue sur cette petite plage où des amis devaient la rejoindre, des amis semblables à elle, aimables, honnêtes mais frivoles, désorientés d'abord par la guerre, sincèrement inquiètes de leurs maris avec lesquels elle s'entendait bien, puis résignées, installées peu à peu, résolues à continuer leur petite vie, renouant ses mille habitudes, le thé, la couturière, la modiste, les magasins, l'existence des femmes satisfaites de leur confort et de leur rang social, ne demandant rien de trop au mariage, ayant une crainte égale de l'ennui et de l'imprévu. Elle était arrivée la première, comptant être bientôt quitte de la solitude. Divers contretemps survinrent, retardant les amis, et il lui fallut prévoir, jusqu'à ce qu'elle fût libre et qu'une permission lui amenât son mari, une période d'isolement. Elle ne s'en effraya pas, goûtant d'abord le charme d'un repos libéré de toute obligation dans ce lieu simple et beau, assez peu fréquenté, préféré par sage économie aux plages mondaines, où il se levait tard et se couchait tôt, errant des falaises et des vastes sables aux prés de rue et aux fraîches valeuses d'une campagne opulente. La mer, qu'elle n'avait guère prise jadis que pour le décor d'une ville de casino, lui parut toute nouvelle. Elle la subit avant de s'y intéresser, avec une sorte de crainte et de somnolence. Elle s'étonna de passer des heures entières devant l'alternance du flot, sans mesurer le temps, dans une lassitude heureuse, une contemplation salubre et sans but, loin de tout, dans un suspens de sa vie intérieure. Peu à peu, elle se rendit compte qu'il ne pouvait y avoir aucune commune mesure entre cette vie intérieure, qui était toute petite, et cette immensité qui, lourde de fatalité mystérieuse, venait respirer avec une monotonie puissante devant elle. Elle se rappela que cette disproportion, autrefois, lui avait toujours semblé fastidieuse et presque humiliante, qu'elle éprouvait le besoin de s'agiter, de bavarder, pour échapper à cette sensation pénible d'une présence infiniment plus grande, dépassant de toutes parts son moi enchanté de lui-même, mais minuscule. Elle ne retrouva pas ce sentiment, et eut par là l'intuition que son âme était changée à son insu. À mesure qu'elle essayait de comprendre le sens de ce rythme éternel, dont la rumeur l'endormait, de concevoir la volonté cachée qui jetait vers elle ses cavaleries écumantes, d'en définir les lignes étales et successives, d'y adapter des pensées inégales et courtes, la jeune femme se troubla parce que des mélancolies l'envahirent, et elle pressentit que ce n'était point cette vaste mer éternellement forte qui était triste, mais en elle-même quelque chose qui se plaignait comme un enfant anémique et délaissé, sa conscience insuffisamment nourrie et choyée. Elle avait renoncé, faute de témoins, au rite des 3 toilettes par jour. Elle ne se souciait plus de sa cape froissée et de ses cheveux défaits poudrés de sable par le vent du large. Elle aperçut qu'elle avait accordé une immense importance aux robes et aux chapeaux, et très peu à son âme, et cela lui parut anormal, après lui avoir semblé naturel. L'élan, réitéré, obstiné, toujours retenu et jamais découragé des vagues, l'incita à se poser une série de questions parallèles. En elle-même aussi, elle ressentit l'arrivée d'élans avides, d'instants obscurs et forts qui surgissaient, tournaient court et revenaient. Si une limite invisible mais infrangible était fixée à ses puissances multiples, ainsi peut-être s'était-elle trouvée arrêtée au bord d'un univers intérieur par la faiblesse de sa volonté et la paresse de son esprit. Lorsqu'elle eut pris cette étrange habitude d'associer à chaque bague une question, elle sentit diminuer l'écart entre elle et le spectacle immense. Elle comprit la mer. Elle ne cessa plus de s'interroger. Il se retourna vers ce qui avait été sa vie, avec une franchise mêlée de gêne, que le faux amour-propre eût étouffé devant des témoins et qui, dans la solitude, osait s'énoncer. Le destin l'arrêtait là pour quelques jours. Devant elle, un mystère infini, là-bas, faisant écho, la rumeur des douleurs humaines. Rien de mesquin, rien de superficiel, la grandeur et la profondeur partout. Qu'avait-elle fait de sa vie? De quoi s'était-elle contentée? De joliesse, de convention, de puérilité, d'une trame ininterrompue de formalités futiles et tyranniques, auxquelles elle avait obéi depuis les temps confus où elle était une jeune fille bien élevée, jusqu'à sa vie non moins impersonnelle de femme mariée. Des modes partout et toujours, pour le cœur et l'esprit comme pour le corps, modes de sa caste, dogmes transmis et acceptés sans examen, petits gestes, petites idées, petites luttes contre le temps, petits combats de la vanité contre l'ennui, avec l'égoïsme pour bouclier. Qu'avait-elle même fait de l'amour? Qu'entendait-elle par aimer son mari? Être honnête, tenir sa maison, veiller à ce que rien ne lui manquât. N'étaient-ils jamais entrés ensemble, même par la voie de l'émotion charnelle, dans ces régions de la vie intérieure dont parlent certains livres, et que les gens de son monde n'envisagent que comme des rêveries inutiles ou dangereuses? Qu'y avait-il de profond dans l'échange fait avec cet homme? Il était en plein péril. Elle s'en croyait réellement privée, cependant, quelques jours auparavant, elle n'eût négligé ni une visite de convenance, ni un achat de fanfreluche. Maintenant, il lui semblait qu'elle le voyait très loin devant elle, au large de cette mer convulsive, sur un esquif en détresse, sans secours possible. Il s'effrayait de la médiocrité des souvenirs qui, si le malheur arrivait, lui resterait dans sa douleur. Elle avait cru aimer, elle avait cru faire son devoir. En réalité, elle ne s'était jamais interrogée sur rien. Elle avait éludé toutes les demandes de sa conscience, elle l'avait traité en parente pauvre dans un coin de sa vie douillette et confortable, elle avait été la poupée d'elle-même, jouant à s'habiller, se disant des riens, s'ignorant, et malgré sa vanité, s'estimant assez peu pour ne pas même se donner la peine d'essayer de devenir une vraie femme, avec une pensée personnelle, un but, une grande passion. Et les autres? Et celles qu'elle attendait, les amis? Il semblait qu'au milieu des questions posées par les houles grondantes et successives, un rire acerbe, dans le rejaillissement de l'écume, lui parut. Que valait l'amitié des autres? De quelle indigence morale ces élégantes s'étaient-elles contentées? Que confronteraient d'étriquées, de risibles, leur présence avec les vastes rythmes dont à présent l'isolée comprenait le langage? Mais elle ne s'arrêta pas à cette pensée. Dénigrer eût encore été un trait de cette petitesse qu'elle excluait maintenant. Seul lui importait le désir de se rehausser, de ne rien perdre de la belle et muette leçon de la mère qui lui avait apporté clarté et force. Et quand les amis vinrent enfin, attifés et volubiles, vers cette pauvre petite qui avait dû périr d'ennui toute seule, elles furent stupéfaites de trouver une créature transformée, simple, émue, un peu grave, pour qui leur rire sonnait faux et que leur potin n'amusait plus. Et quand le mari vint, il découvrit une femme inconnue, dont l'amour renouvelé trouvait des mots qui l'émurent de tendresse et répondirent à ses vœux informulés de soldats mûris par l'épreuve et le risque quotidien de la mort. Elle parut à tous inexplicablement transfigurée, mais se tut sur son secret. Elle avait jeté toute sa futilité à ce flot qui jamais plus ne la rejetterait vers le rivage. Et elle songeait à l'avenir, à l'art de construire un bonheur, à la haute joie de penser profondément à deux, à l'air d'amour qu'elle allait seulement s'ouvrir, tandis qu'en ce soir, où s'achevait sa solitude, elle emmenait lentement son aimé au long de la mer éternelle. C'était Le Conseil de la Mer, par Camille Mauclerc.